Il a plu des trompes de chiottes sur le barbecue de midi. Et les bleus comme des fiottes se sont fait plier au rugby. Week-end de merde en ta compagnie, qu'est-ce qu'on se fait chier ici? Oui, quelle vie de merde en ta compagnie, c'est pas demain que je souris. Je me suis tapé le ménage toute la journée de samedi. Les courses et le repassage, bordel, ça n'est pas une vie. Le dimanche à Bailly, c'est le jour où j'enrage d'avoir épousé celui qui m'a demandé en mariage. Week-end de merde en ta compagnie, qu'est-ce qu'on se fait chier ici? Oui, quelle vie de merde en ta compagnie, c'est pas demain que je souris. Ton débit est en carafe comme par hasard depuis vendredi. Et tu veux filer des baffes à toute la hotline de Free. Ton super iPhone 15S, y a plus que ça pour te faire bander. J'ai beau tortiller des fesses, le drapeau n'est plus levé. Week-end de merde en ta compagnie, qu'est-ce qu'on se fait chier ici? Oui, quelle vie de merde en ta compagnie, c'est pas demain que je souris. Fin de semaine au Val d'Europe, je suis en territoire ennemi, peuplé de cruches fringuées en salopes, au bras de leur trou duc assorti. Si le syndrome de la tourette me frappe depuis que nous sommes ici, c'est que mes journées ne sont pas faites et que pire sont mes nuits. Week-end de merde en ta compagnie, qu'est-ce qu'on se fait chier ici? Oui, quelle vie de merde en ta compagnie, c'est pas demain que je souris. Week-end de merde en ta compagnie, qu'est-ce qu'on se fait chier ici? Oui, quelle vie de merde en ta compagnie, qu'est-ce qu'on se fait chier ici? Il a plu des trompes de chiottes sur le barbecue de midi. Et les bleus comme des fiottes se sont fait plier au rugby.